Bonjour, nous sommes vendredi le 29 septembre 2017. Bienvenue, chers auditeurs, à ce rendez-vous d'information dont voici les grandes articulations. Le ministère de l'Énergie et des Mines ne converge pas quant à la question de rendre public le contrat qui lie le gouvernement burundais et la société Rainbow qui exploite la terre rare de Kakara. Le ministre de l'Énergie et des Mines fait savoir que n'importe quel citoyen peut avoir accès à ce contrat, alors que le porte-parole du même ministère, au cours de l'émission publique des porte-parole des institutions ce vendredi, a dit que ce contrat ne peut pas être porté à la disposition de tous. Le directeur de la radio CCIBFM+ déplore les mesures prises par le Conseil national de la communication CNC, une mesure qui concerne la fermeture de cette radio durant une période de 3 mois. Et dit Claude Nina Azoué explique plutôt que cette mesure est contraire à la loi. Et même son de cloche avec le directeur de la radio Bonécha qui demande la révision de cette mesure qu'il qualifie d'injuste. Une sensibilisation doit être faite à l'endroit de tout le monde afin de freiner l'augmentation des hypertendus. Le président de la Société burundaise de cardiologie, Marc Nimbulanila, indique néanmoins qu'il y a un manque de spécialistes dans ce domaine. Et dans le reportage d'aujourd'hui, l'Association des jeunes pour la protection de l'environnement va nous parler des réchauds qui utilisent les déchets du charbon de bois qui sont bénéfiques pour la protection de l'environnement. Ce journal est mis en onde par Eric Wimana. À la présentation, Christelle Anizigama, bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page bonne gouvernance de ce journal, le ministère de l'Énergie et des Mines ne converge pas quant à la question de rendre public le contrat qui lie le gouvernement burundais et la société Rainbow qui exploite la terre rare de Kakara. Au cours d'une conférence publique lors de la présentation de ses réalisations semestrielles, le ministre Comme Manirakiza a indiqué que n'importe quel citoyen peut accéder à ce contrat vu que ces minerais leur appartiennent. Et au cours de l'émission publique et des porte-parole des institutions de ce vendredi, le porte-parole du même ministère a dit que ce contrat ne peut pas être porté à la disposition de tous. Aubin Nyonguru. C'est une convention publique, c'est-à-dire que... Pour le ministre de l'Énergie et des Mines, les minerais appartiennent à la population, raison de plus que les sachent le contenu du contrat entre le gouvernement burundais et la société Rainbow. La convention entre le gouvernement et la société Rainbow Burundi Mining, c'est une convention publique, c'est-à-dire que toute personne qui voudrait consulter, qui voudrait même avoir cette convention, eh bien, elle est publique à quiconque la voudra. Donc, à tout moment, vous êtes les bienvenus pour pouvoir demander, vous faire la copie de la convention qui est entre le gouvernement du Burundi et la société qui exploite les terres rares. Leonidas Sindaigaya, porte-parole du dit ministère, dit plutôt que ce contrat n'est pas à rendre public. Dire qu'il n'y aurait pas de transparence dans le contrat signé par l'État et Rainbow, moi je me dis qu'il nous faut changer des propos que nous utilisons. Le contrat existe, que ce soit ici chez nous, que ce soit dans d'autres pays, pour de tels contrats, il n'est pas permis qu'il soit à la portée de tous. Une fois de retour sur Bujumbura, que tu viennes, afin que je te montre un article dans la réglementation des minerais qui montre bien que de telles conventions ne sont pas mises à la portée de la rue. Sur la question du profit du gouvernement dans cette exploitation, Leonidas Sindaigaya souligne entre autres le partage des bénéfices puisque le gouvernement dispose des actions dans cette société. Il ajoute aussi qu'au moins 300 agents ont été embauchés ainsi que la construction d'une école qui apprendra l'exploitation minière. Merci Aubin. Et page médiatique, le directeur de la radio CCIBFM+ déplore les mesures prises par le Conseil national de la communication CNC en sigle. Cette mesure concerne la fermeture de la radio CCIBFM+ durant une période de 3 mois, vu son éditorial du 18 septembre en rapport avec les assassinats des réfugiés burundais à Kamanyola dans la République démocratique du Congo. Et dit Claude Nahazwe, le directeur de cette radio, de cette station, explique plutôt que cette mesure est contraire à la loi. Il affirme que la radio CCIB a respecté les règles de travail pour cette information qui a été diffusée. C'est une décision surprenante, mais que nous jugeons arbitraire parce qu'elle a été prise d'une manière hâtive. Nous n'avons pas été concertés. En tant que responsable des médias, en cours normal, je crois qu'il fallait d'abord nous approcher et s'entretenir sur ces manquements observés par le Conseil national de la communication. Donc, j'attends une signification administrative sur la mesure prise à notre radio. Sinon, nous déplorons aussi que si on cite que la loi a été transgressée, il faut citer une disposition. Mais je crois que nous avons fait notre travail en commentant sur un fait quelconque. Nous avons commenté sur le massacre des réfugiés burundais de Kamanyola, récemment reporté. Jusqu'à présent, même le gouvernement n'a pas dit un mot sur ce massacre. On s'est posé ces questions sur même d'autres cas de violation des droits de l'homme, sur des rapports qui sont dits sur le Burundi par la communauté internationale. On s'est dit, qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas une réalité? Alors que aujourd'hui, on se demande, le Burundi est tué, même à l'étranger, quelle est la part du gouvernement? Ces citoyens sont massacrés ici à côté, un mot n'est pas dit. Alors, c'est le contenu de cet éditorial. Et on nous accuse de n'avoir pas équilibré l'éditorial. C'est aberrant. Ça démontre qu'on ne comprend pas l'exercice du métier. Même son de cloche avec le directeur de la radio Bonécha qui s'insurge contre la décision du Conseil national de la communication de fermer définitivement cette station sur la liste des médias burundais. Léon Massengo demande la révision de cette mesure qu'il qualifie d'injuste. On l'écoute. Nous sommes très fâchés. C'est une décision qui fâche. C'est une décision injuste et illégale dans la mesure où, dans les textes qui régissent le fonctionnement du Conseil national de la communication et les relations entre le CNC et les médias, il est prévu plusieurs étapes de sanctions, des mises en garde, des remarques verbales, des remarques écrites, avant d'arriver à la fermeture totale d'un média. Il faut écouter les responsables, il faut échanger et tout cela, on n'a pas eu une seule sanction dans ce sens-là qui viendrait avant la fermeture totale. C'est donc une décision illégale qui ne respecte pas les textes qui réglementent les relations entre les médias et le Conseil national de la communication. Donc une décision inutile qu'il faut vraiment annuler à tout prix. C'est une décision qui viole le droit à l'information pour les citoyens, une information diversifiée, une information indépendante. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Et page politique, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, invite tous les politiciens intéressés à déposer leur candidature à la CENI pour remplacer le sénateur Martin Mbazumutima, élu à la circonscription de la mairie de Bujumbura. Pierre Claver Ndaïchalié fait savoir que les élections électorales partielles sont prévues le 7 novembre de cette année. Suivez. Dans la mairie de Bujumbura, un rendez-vous politique important vient d'être annoncé. Il s'agit de l'élection sénatoriale partielle du 7 novembre 2017 en remplacement de l'honorable Martin Mbazumutima. Le sénateur Martin Mbazumutima, élu de la circonscription de la mairie de Bujumbura, a été récemment nommé par le chef de l'État, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Burundi. Par décret numéro 100/171 du 22 septembre 2017, les membres des conseils communaux de la mairie de Bujumbura, législature 2015-2020, sont donc appelés à participer à l'élection sénatoriale partielle. Cette élection devra doter la mairie de Bujumbura d'un sénateur titulaire et d'un sénateur suppléant pour remplacer l'honorable Martin Mbazumutima. Les partis politiques, les coalitions des partis politiques ainsi que les candidats indépendants remplissant les conditions fixées par la loi et qui le souhaitent sont appelés à déposer leur candidature ainsi que leurs insignes à la CENI du 25 septembre au 9 octobre 2017. La loi tient à préciser que les candidats doivent être de même ethnie que le sénateur a remplacé. C'était Pierre Claver Ndaïchaliye, le président de la Commission électorale nationale indépendante, qui fait savoir que les élections sénatoriales partielles sont prévues le 7 novembre de cette année. Et page santé de ce journal, une sensibilisation doit être faite à l'endroit de tout le monde pour faire connaître la maladie de l'hypertension artérielle. Cela est dit par le docteur Marc Nimbulanira, président de la Société burundaise de cardiologie. Pour lui, cette sensibilisation viendrait freiner l'augmentation des hypertendus. Il indique néanmoins qu'il y a un manque de spécialistes dans ce domaine. Il a dit ce vendredi au cours du premier congrès de la cardiologie et qui coïncide avec la journée mondiale du cœur. On l'écoute. La première stratégie, c'est d'informer les professionnels de santé sur l'existence de cette maladie, sur la prise en charge de cette maladie. C'est continuer à informer la population sur le danger de cette maladie, sur le dépistage. Nous demandons que toute personne doit se faire consulter au moins une fois par an. Nous encourageons tous les professionnels de santé de faire systématiquement les prises de tension artérielle chez tout patient qui vient en consultation. Quels sont les problèmes que connaît le secteur de cardiologie au Burundi? Ça commence par un personnel insuffisant de spécialistes dans ce domaine. Nous sommes au total environ 10 cardiologues et la plupart de ces cardiologues se trouvent à Bujumbura, alors que les problèmes cardiovasculaires se trouvent partout sur tout le territoire du Burundi. Les autres problèmes que nous avons, c'est que les pathologies que nous prenons en charge sont des pathologies chroniques et qui nécessitent un suivi régulier. Nous rencontrons des situations d'inobservance du traitement médical et prescrit parce que les patients n'ont pas pu se procurer les médicaments qu'on leur a prodigués et de prendre. C'était le président de la Société burundaise de cardiologie, Marc Nimbulanira, au micro d'Alida Ndaikeza. Santé toujours, distribution d'une aide composée de 95 fauteuils roulants d'une valeur de 95 millions de francs burundais au Centre de référence nationale de kinésithérapie de l'hôpital Roi Khaled. Cette aide a été octroyée par le Royaume de Belgique à travers la COPED et la EAPF opérant dans le domaine de la santé. Isaac Minani, directeur général chargé des soins médicaux au niveau du ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, demande aux bienfaits aux bénéficiaires de bienfaits. Utiliser son matériel suivi. Que ces fauteuils constituent un don et qui doivent être cédés gratuitement aux personnes handicapées bénéficiaires qui en ont le plus besoin. Ces fauteuils doivent être prescrits à bon escient. Ils doivent être adaptés à l'usage de chaque personne handicapée qui en bénéficiera. Dans cette optique, l'organisation Handicap International a déjà procédé à des séances de formation du personnel technique de chaque centre bénéficiaire pour la bonne prescription de ces fauteuils. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida souhaite que l'organisation Handicap International continue son appui à la bonne prescription et adaptation de ces fauteuils roulants pour les personnes handicapées bénéficiaires. Un rapport de Handicap International à ce sujet est souhaité et devra être transmis au service chargé du développement de la médecine physique et de l'adaptation du Programme national intégré de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles. Le bon suivi de ces recommandations est une condition très importante si ces dons doivent être renouvelés avec l'appui de nos partenaires. Je souhaite donc que ces fauteuils soient bien utilisés pour le plus grand bénéfice des personnes handicapées de notre pays qui en ont tant besoin. Isanganiro, la radio de l'avenir. Et page justice, comparution à la cour d'appel de Ngozi ce vendredi de trois des militaires accusés d'avoir attaqué le camp militaire de Mukoni en province de Muyinga. Après une audience qui a duré peu de temps, l'affaire a été reportée pour le 12 octobre prochain. À l'origine de ce report, l'éparpillement des détenus dans différentes prisons, un handicap que le ministère public promet de lever lors de la prochaine audience. Ces militaires ont été cette fois-ci assistés par des avocats pris en charge par le projet d'aide judiciaire légale, le projet du ministère de la Justice financé par le PNUD. Certains commerçants ambulants regroupés au sein des associations APEB et APDGC dénoncent les menaces en provenance d'une nouvelle association CEPAD, comme quoi ils doivent intégrer dans cette association le représentant légal de la CEPAD, Prosper Bukuru, dément ces accusations et explique que ces deux associations ont peur de l'adhésion massive des commerçants dans cette nouvelle association. Les détails avec Florence Ndaila. Uyu munsi hari terrorisme yirindi shirahamwe rivuga ko duteza kurondera ibindi byangombwa. C'est l'un parmi ceux qui pratiquent le commerce ambulant dans la capitale. Lui dit qu'il a une nouvelle association qui leur font peur d'y adhérer avant le 2 octobre. Nous avons un problème. Des représentants de notre association nous ont dit et nous avons répondu à cet appel. Nous avons cherché les badges, les gilets, tout en sachant que les badges ont été octroyés par l'administrateur de la commune Mukaza. Jean Bosco Burangobagabo, président de la PDGC, s'étonne d'une personne qui contredit une association. Disant qu'il y a les gens qui commencent à les menacer, disant que les badges, les uniformes qu'ils ont ne sont pas en provenance de l'administration, pour dire que lorsqu'ils n'achètent pas les badges et les uniformes de coopérative qui est en cours, disant que c'est de la part de la mairie, qu'ils seront attrapés et emprisonnés. Prosper Bukuru pointait du doigt, il dément ces informations. Par contre, il indique que l'autre association a peur de manquer ses membres. Nous nous sommes adressés au maire de la ville qui nous a donné une permission de les encadrer pour leur développement et celui du pays. Aucune intimidation de notre part sur le terrain. Ce qui avance ces propos sont des responsables d'autres associations qui ont peur de départ de leurs membres vers notre coopérative car ils ont épousé nos projets. Dire que telle ou telle autre chose est mal exécutée, je pense bien qu'il s'agit de ceux qui considèrent le commerce ambulant comme une source de revenus de façon illégale. Parler d'une date limite, c'est du mensonge. Certains commerçants ambulants disent qu'être membre d'une association dépend de sa propre volonté. Merci Florence. Et avant de clôturer ce journal, les réchauds qui utilisent les déchets du charbon de bois sont bénéfiques pour la protection de l'environnement. Au sein de l'association des jeunes pour la protection de l'environnement, l'on explique que tout ce qui est charbon est utilisé jusqu'aux cendres et la durabilité de ce charbon aide à ne pas couper les arbres qui ne sont même pas à maturité. Cette association appelle les Burundais à l'utilisation de ces charbons. Merci d'avoir suivi ce journal. Il est 13h13. Ainsi s'achève ce journal. Au micro, c'était Christelle Nizigama. À la mise en onde, c'était Eric Ouimana.